Ndikomanyanga. Albert Nouaya sur la mise en onde, bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. L'Office burundais de recettes est sommé d'assurer le recouvrement des taxes et impôts payés d'ici jusqu'au 31 décembre 2024. Instruction du chef de l'État du Burundi ce mardi au cours de l'audience qu'il a accordée au conseil d'administration de cet office. Une peine carcérale de 2 ans et une amende de 800 000 francs burundais, telle est la peine prononcée ce mardi par le tribunal de grande instance de Makamba à l'endroit de 2 membres du parti CDP en commune Mabanda de la province Makamba pour l'infraction électorale. Vous l'entendrez au cours de cette édition. L'inspection générale de la police nationale du Burundi affirme qu'il s'observe ces derniers jours une hausse exagérée des prix du ticket de transport, des produits Braroudi, du ciment et du sucre. L'inspecteur général de la police déplore que la situation se présente ainsi sous le regard passif des commissaires régionaux. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'Office burundais de recettes est sommé d'assurer le recouvrement des taxes et impôts impayés d'ici jusqu'au 31 décembre 2024. Instruction du chef de l'État du Burundi ce mardi au cours de l'audience qu'il a accordée au conseil d'administration de cet office. Le communiqué sorti à cet effet par le bureau chargé de la communication à la présidence de la République révèle qu'il y a des contribuables qui se désistent à payer les taxes et impôts compte tenu de leur force dans le pays selon le rapport de ce conseil. Le parti Parena voit qu'aucune personne n'est au-dessus de la loi en refusant de payer les taxes et impôts suite à leur fonction. Le président de ce parti le dit après que le conseil d'administration de l'OBR a informé ce mardi au président de la République l'exigence de certaines personnalités qui ont refusé de payer les taxes. Suivez-le. Personne n'est au-dessus de la loi. Et le recours au chef de l'État n'est même pas nécessaire. L'OBR a suffisamment de pouvoir pour faire payer quiconque lui doit de l'impôt et taxes. Il y a des procédures pour le recouvrement qui sont prévues par la loi et la pratique de l'OBR. C'était peut-être une causerie entre l'OBR et le chef de l'État, sinon fonctionnellement, ils n'ont pas besoin de recourir à lui. Mais le chef de l'État exige l'Office burundais de recettes de collecter les taxes et impôts jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que vous en dites à cette décision? Le 31 décembre, il y en a qui sont dans l'obligation de payer avant le 31 décembre, d'autres qui ne le seront pas. C'est la procédure déjà engagée parce que l'impôt est quérable et non portable. C'est-à-dire, si l'individu n'a pas été contacté pour payer l'impôt, on peut lui obliger de le payer avant le 31 décembre. Ensuite, l'OBR lui-même a des moyens limités. Il n'a pas assez de personnel pour contacter tout ce beau monde en ayant 2 semaines. Donc, on a fait intervenir le chef de l'État sur un terrain qui n'est pas le sien, d'où il peut avancer des dates qui ne sont pas respectables parce que ne corrélant pas avec la procédure. Et quelle sera la valeur ajoutée de cette mesure du chef d'État? Non, c'est un rappel à l'ordre, tout simplement, parce que tout le monde doit payer les impôts. Le chef d'État exige également à l'OBR de suivre de près si l'utilisation de machines de facturation est utilisable ou bien est applicable pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites à ça? Normalement, l'OBR devrait exiger à tous les contribuables qui sont sujettis notamment au TVA de disposer de tels outils qui permettent à l'OBR de connaître instantanément le montant qui lui est dû. L'argent déclaré à travers ces machines tombe sur le serveur de l'OBR. Personne ne pourrait avoir les moyens pour faire des opérations de soustraction de ceci. C'est impossible. Page justice à présent, une peine carcérale de 2 ans, une amende de 800 000 francs burundais, telle est la peine prononcée ce mardi par le tribunal de grande instance de Makamba à l'endroit de 2 membres du parti CDP en commune Mabanda de la province Makamba pour l'infraction électorale dans un procès de flagrance. Selon les accusations du substitut du procureur de la République après le tribunal de grande instance de Makamba, Ils ont collecté les récépissés des élections de 2025 et des pièces d'identité de certaines personnes de la colline Samvoura sous promesse de bénéficier du bétail dans ce procès. Les justiciables ont rejeté les accusations du substitut du procureur de la République. Des détails avec Élisée Kouitzer. Ces deux hommes condamnés au cours d'un procès de flagrance de ce mardi au tribunal de grande instance de Makamba sont tous membres du parti CDP habitant la commune Mabanda. Ils ont été arrêtés avec 8 récépissés pour les élections et des cartes nationales d'identité ce samedi. Dans cette commune de la province Makamba, Fabien Nijimbere, un de ces hommes était passé le matin de ce jour-là dans certains ménages pour la collecte de ces documents arrêtés par le comité mixte de sécurité sur la colline Samvoura en cours de route vers le centre lié de la commune Mabanda. Il a révélé, c'est lui qui lui avait confié ce travail, Antoine Barindavi, le vice-président du parti CDP dans cette commune, et ce dernier a fini par être arrêté. Lors du débat, le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Makamba leur a reproché de l'infraction électorale, disant qu'ils avaient l'objectif d'empêcher certains gens de participer aux élections de 2025, la preuve selon lui, est que parmi les citoyens dont les récépissés et pièces d'identité ont été collectés, il n'y a aucun membre du parti CDP. Par contre, ils sont tous du parti au pouvoir CNDD-FDD, a-t-il précisé. En outre, il trompait ces gens, leur promettant de bénéficier du bétail via leur réseau d'organisation Cartas Burundi. Les justiciables, quant à eux, n'ont accepté que la collecte des documents avec lesquels ils ont été attrapés et ont dit qu'ils aidaient certains membres de ce parti, candidats aux élections, à faire des photocopies pour le dossier et aller les leur remettre après ce travail. S'agissant d'autres accusations, ils ont dit que ce sont de faux arguments inventés par les jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD Imbonerakure qui les ont attrapés. Ils ont affirmé que toutes les personnes dont leurs documents ont été collectés sont du parti CDP et que parmi lesquelles figurent au moins 3 membres de leur famille. Après la mise en délibéré, le tribunal de grande instance de Makamba leur condamné à une servitude pénale de 2 ans et à une amende de 800 000 francs chacun. Et les documents collectés seront remis à leurs propriétaires. Depuis Makamba, Élisée Kouitzer, Radio Isanganiro. Sur ce dossier, le parti CDP dit être choqué par l'arrestation de ses 2 membres transférés à la prison du parquet de la commune Mabanda dans la province Makamba. Après le jugement, Anissé Nyonguru, président de ce parti, indique qu'ils subissent de l'injustice parce qu'ils avaient leur carte d'identité et les récépissés électoraux ainsi que ceux des amis pour faire des photocopies suite au problème du courant électrique afin de réunir les documents nécessaires pour se faire élire dans leur commune au cours des élections prochaines. Ils demandent que ces 2 membres du parti soient rétablis dans leurs droits. On l'écoute. 2 membres du parti CDP sont en prison au parquet de Makamba. Le jugement a été prononcé hier. 2 ans de prison ferme et 800 000 demandés pour chacun. Ça a été un choc, un grand choc pour le parti parce que des représentants du parti en commune de Mabanda, un est un représentant d'une des zones de la commune, un autre c'est le représentant adjoint de la commune de Mabanda. Au niveau du parti CDP, ils ont été arrêtés le samedi 14 décembre 2024 parce que ces longs policiers qui les ont arrêtés, ils détenaient des cartes d'identité et des récépissés. Au début, je pense que le soupçon envers quelqu'un qui détient des cartes d'identité et des récépissés et d'autres personnes, une suspicion peut avoir lieu. Mais quand nous avons expliqué au commissaire communal de Mabanda que ce sont nos membres et qu'ils allaient faire des photocopies pour qu'ils se présentent sur les listes électorales de la commune Mabanda, après cette explication, je pensais que c'était fini et que c'était compris. Par ailleurs, ils en ont interprété autrement. Ils disent que les 2 membres du parti CDP possédaient des cartes d'identité et des récépissés pour empêcher les voisins d'aller voter, alors que c'est le contraire. Ils ont même appelé des personnes pour venir témoigner. Après intimidation, ils ont été intimidés. Donc c'est un montage qui a été fait pour seulement faire peur aux membres du parti, faire peur à ceux qui et qui militent pour le changement en commune Mbanda. C'est ça le problème. Nous sommes en train de chercher à ce que nos membres soient libérés. Dans cette même page justice, 47 dossiers relatifs au procès en justice ont été analysés ce mardi dans la province de Muyinga par les envoyés du ministère de la Justice sous la délégation du secrétaire permanent du ministère. L'objectif du gouvernement étant de trouver solution à l'accumul des dossiers qui traînent dans les tiroirs de différentes juridictions. La plupart de ces dossiers concernent les conflits fonciers les plus fréquents Muyinga, comme le signale le chef de cabinet du gouverneur de cette province. Les détails avec Fiacre Ndikumana, notre correspondant à Muyinga. Les justices de la province Muyinga se plaignent de la lenteur d'exécution des jugements. L'administration provinciale reconnaît cette situation. Denis Ndaruhekere, chef du cabinet du gouverneur, affirme qu'on constate souvent la disparition des dossiers judiciaires dans la province comme cause du retard enregistré dans l'exécution des jugements à Muyinga. Elle précise que les conflits fonciers sont les plus nombreux. Il arrive des cas où un procès opposant des arrière-petits-fils d'un descendant et des fois des années passent, certains vendent leur propriété et on éprouve beaucoup de difficultés en cas de mise en exécution des décisions de justice. C'est ainsi que des justiciables se lamentent que leurs dossiers en justice disparaissent. L'objectif de cette descente du ministère de la Justice est de faciliter les demandeurs de services se trouvant dans les provinces de l'intérieur du pays. Ce sont les propos du Gervais Hajayandi, secrétaire permanent au ministère de la Justice. Concernant la disparition de quelques dossiers judiciaires, il estime que ce sont les justiciables n'ayant pas raison qui les cachent pour que la vérité ne puisse pas éclater. Des procès peuvent durer 40 ans, 50 et même plus. On a évoqué le cas des dossiers qui disparaissent. Cela arrive même pour des dossiers qui devraient être fixés en audience publique. Un dossier peut disparaître avec complicité d'un justiciable qui a réalisé qu'il n'aura pas d'intérêt dans son procès. Cela se fait en complicité avec des services de la justice, alors qu'un justiciable devrait accepter d'être entendu en justice si du moins il a raison dans son affaire. Les justiciables estiment qu'avec ces descentes, la lenteur dans le traitement des dossiers pendant en justice pourrait être résolue en partie. Depuis la province de Muyinga, Fiacre Ndikumana, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page commerce à présent, toutes les licences autorisant les tenants des bistrots de la province Ngozi de revoir la hausse et les prix des produits Braroudi sont momentanément suspendus. C'est la décision du gouverneur de cette province prise depuis ce 17 décembre. Désiré Minani prévient que les administratifs de cette province qui ne feront pas respecter la mesure seront punis à la place des cabaretiers de leur ressort qui ne respectaient pas les prix officiels. Donc Ngozi, rendons-nous à Burundi, certains conducteurs de véhicules assurant le transport en commun augmentent le prix du ticket de transport sur différentes routes depuis quelques temps. Par exemple, de Burundi à Matana ou à Rumonge, certains exigent une somme de 10 000 francs burundais au lieu de 5 000 francs burundais de Burundi à Matana et 6 000 francs de Burundi à Rumonge, ce qui provoque beaucoup de grogne chez leurs clients. Les conducteurs de ces véhicules expliquent que cette hausse des prix du ticket de transport est à l'origine de la hausse des pièces de rechange de leurs véhicules. Ils demandent que ces prix de transport soient revus à la hausse. Le gouverneur de la province de Bururi a sorti ce mercredi un communiqué dans lequel il appelle les passagers à dénoncer ces conducteurs de véhicules assurant le transport qui s'arrogent le droit de revoir à la hausse ces prix pour qu'ils soient punis. Une information que nous devons à notre confrère Zeno Nzambimana. De Bururi à Rumonge, de Memeke, de Bururi à Matana, cas, les conducteurs des véhicules de type Probox assurant le transport en commun exigent une somme de 10 000 francs burundais, alors que les prix fixés par l'État ne dépassent pas 6 000 francs burundais de Bururi à Rumonge et 5 000 francs burundais de Bururi à Matana, ce qui a déjà provoqué beaucoup de grognes chez leurs clients qui déplorent que ces prix ne sont plus respectés, même en cas de disponibilité du carburant aux différentes stations. Les conducteurs de ces véhicules, quant à eux, expliquent que cette hausse du prix de tickets de transport est due à la hausse des pièces de rechange de leurs véhicules, dont leurs prix ont été également revus à la hausse. Ils donnent l'exemple d'un pneu qui s'achetait à 160 000 francs burundais 4 mois écoulés, s'achète aujourd'hui à 300 000 francs burundais ou même plus. Les plaquettes qui s'achetaient à 12 000 francs burundais s'achètent à 40 000 francs burundais. Ils ajoutent qu'ils n'ont plus même accès facile au carburant suite au nouveau système pour s'en approvisionner aux différentes stations qui peuvent même autoriser l'approvisionnement après plus de 2 semaines. Dans ce cas, ces conducteurs de ces véhicules disent qu'ils font recours au marché noir où une bouteille contenant un demi-litre d'essence s'achète à un prix variant entre 20 000 et 25 000 francs burundais. Ces chauffeurs demandent que les prix de tickets de transport fixés par l'État soient revus compte tenu des prix des pièces de rechange de leurs véhicules sur le marché. Dans un communiqué sorti ce mercredi par le gouverneur de la province de Bururi, colonel Desbandes Amaso appelle toute la population de sa province à dénoncer à temps ceux qui s'arrogent le droit de revoir à la hausse les prix, y compris les prix de tickets de transport. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Entre-temps, l'inspection générale de la police nationale du Burundi affirme qu'il s'observe ces derniers jours une hausse exagérée des prix du ticket de transport des produits de la baroudie, du ciment et du sucre. Dans une correspondance de ce 17 décembre, l'inspecteur général de la police instruit les commissaires régionaux de faire respecter les prix officiels. Joseph Ninheretse dénonce ce qu'il qualifie d'esprit d'enrichissement illicite animé par certains commerçants et transporteurs sous le dos de la population. L'inspecteur général de la police déplore que la situation se présente ainsi sous le regard passif des commissaire régional. Dans cette même page commerce, un délai de 2 semaines est accordé par le ministère de l'Agriculture à la population pour acheter le maïs collecté par la NAGESA. Le ministre Dodiko Prosper l'a annoncé ce mardi dans une déclaration. Il a précisé qu'un kilogramme de maïs sera vendu à 2100 francs. Les commerçants et les éleveurs qui ont besoin de grandes quantités de maïs ne sont pas autorisés à acheter cette denrée durant cette période. Parle, rassure-moi. Les discours aux messages de haine utilisés à l'approche des élections sont utilisés pour les fins politiques et pour différentes raisons, comme celle d'intimider les membres de l'autre groupe. Explication donnée par l'expert en transformation des conflits chartier Niyungeko, tout en soulignant que l'administration doit prendre les devants pour éradiquer cela et ne pas retourner dans les crises que le Burundi a connues. C'est après que les habitants de la commune Nyabira dans la province Bujumbura et d'y entendre des insultes et messages de haine entre les membres des différents partis politiques en période électorale. Chronique par les Rassure-moi avec Ornella Mucho. Certains habitants de la commune Nyamiraba, dans la province Bujumbura, affirment avoir entendu des discours ou messages de haine utilisés par les membres de différents partis politiques à l'approche des élections. Ils regrettent que ce genre de messages ont toujours provoqué des violences dans le passé et qu'ils en sont malheureusement les premières victimes, contrairement aux leaders politiques. On devrait choisir et voter selon les projets de développement et non par influence ou adhésion obligatoire en parti politique. Un bon modèle de l'autorité publique impacte positivement tout le pays. Par contre, s'il y a des conflits entre les leaders politiques, ça nous affecte et nous en sommes les premières victimes. Et tout cela nous montre que ce n'est pas pour l'intérêt général, mais pour leurs propres intérêts. C'est nous qui en subissons les conséquences et ces leaders politiques sont tranquilles dans leurs affaires sans trop de soucis comme nous. Isaac Nubamate, secrétaire permanent dans la commune Nyabiraba, indique qu'en 2015, ils ont assisté à des messages de haine suivis par des violences. Pour prévenir cela, il fait savoir que l'administration de cette localité organise des réunions ou campagnes de sensibilisation afin d'éduquer et rappeler sur les conséquences néfastes des messages de haine. Chartini Ungeko, expert en transformation des conflits, indique que les politiciens devraient compétir, mais tout en comprenant que le respect des droits de l'homme est nécessaire même en période électorale. Le passé nous montre qu'il y a des erreurs qui ont été commises et qui ont conduit à des souffrances et à des malheurs qu'a connu notre pays. Donc les élections, c'est un événement. Et la vie d'un pays, ça continue. Les compétiteurs, les leaders politiques doivent apprendre à vivre dans la tolérance, sans toutefois déshumaniser l'autre, ou sans toutefois à montrer que l'autre n'a pas de valeur, n'est pas compétent. On peut toujours montrer qu'on est capable puisque l'autre, sans toutefois à le dévaloriser, sans toutefois le comparer à un animal. Cet expert en transformation des conflits trouve que pour tendre vers des élections apaisées et sécurisées, l'administration doit jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les messages de haine et l'intolérance politique. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albin Doua pour sa parfaite collaboration technique. La présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomanenga. Bonne suite de programme sur Sanganito.